ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن مما يحزن ويدخل على المرء الأسى والحسرة أن بعضهم كلما رأى وسمع ردا سلفيا على أهل الأهواء والزيغ والبدع أو على رأس من رؤوسهم في الغاوية في الغواية والضلال يقول: يا ليت هذه السهام وجهت لنحور العلمانيين وأعداء هذا الدين. وهذه شنشنة تعرف والحمد لله من مرضى القلوب ومن كل من لم يوفقه الله عز وجل لاتباع منهج السلف. ففجور العلمانيين ومحاربتهم لشرع الله لا تخفى على أحد، ولا ينكرها من كانت له مسكة من عقل. فالمصيبة تبقى في أولئك المنحرفين عن منهج السلف والمحسوبين من المسلمين وعلى الدعوة، فهم يكدرون صفاء هذا الدين ويلبسون الأمر على الجهال. فكم أضلوا من أقوام وأفسدوا عليهم دينهم ومنهجهم، فلا هم ردوا على العلمانيين ولا اتقوا الله في المسلمين عامة وفي السلفيين خاصة، ولا هم أخرجوا للأمة علما ينتفع به. فهنا الله عز وجل إلي دي شوز كي فون مال كور كي رامن دولا chez la personne de la tristesse. C'est que chaque fois que certains entendent une réplique d'un homme de science sur les gens de l'innovation ou sur les emblèmes des voies de l'égarement qui existent sur le terrain, ces gens-là crient, ces répliques et ces attaques étaient dirigées directement vers les laïcs et vers les ennemis de cette religion. Et ça, c'est quelque chose qui est connu des hommes de science. Et la louange revient à Allah Azza wa Jal, ce genre de paroles. Hein? Les hommes de science savent que ces personnes qui ont des maladies du cœur, dans leur cœur, c'est eux qui parlent ainsi. Et que ce genre de paroles ne vient que de quelqu'un qui suit ses passions. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas guidé vers la voie du puiseur d'Allah alayhim. Car l'injustice des laïcs et leur guerre contre la législation de Allah Azza wa Jal, elle est connue de tout le monde. Tout le monde la voit, comme le soleil en plein zénith. Et tout le monde le sait, tout un chacun qui est doué de raison, c'est que les laïcs sont les ennemis d'Allah Azza wa Jal et les ennemis de cette religion. Mais la catastrophe de la communauté réside dans ces gens qui ont dévié de la voie de leur puiseur d'Allah alayhim, et qui sont des musulmans, et qu'on pointe avec le doigt parce qu'ils font da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, mais la clarté de cette religion, ils la rendent de trouble et ils déguisent les situations sur les ignorants. Combien de gens ont été égarés par l'intermédiaire de ces gens-là? Combien de gens ont pris un chemin qu'ils ne devaient pas prendre dans leur religion? Et cela, en agissant ainsi, ils n'ont même pas répliqué aux laïcs, ils n'ont même pas préservé les droits de Allah Azza wa Jal pour le commun des musulmans et pour les salafis en particulier. Ils n'ont même pas sorti à la communauté une science qui soit bénéfique à la communauté. فماذا تريدون؟ فيتكلمون في صحابة رسول الله ويطعنون في صحابة رسول الله. ومر معنا كلام سيد قطب في كتابه العدالة الإسلامية ما قاله عن معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأعيده عليكم. يقول في كتابه العدالة الاجتماعي في كتاب كتب وشخصيات، إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مخيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الدمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. وتعليقا على هذا الكلام قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: كلام قبيح، هذا سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص. وقال: هذه الكتب يجب أن تمزق. ونظيره كذلك عند المغاربة هذا عبد السلام ياسين رئيس الياسينيين في شريط مرئي سنة 1989، والشريط حول الإحسان كما يزعمون، حيث لا إحسان. وصف معاوية رضي الله تعالى عنه بأنه أول دكتاتور عرفه الإسلام. وفي كتابه الشورى والديمقراطية صفحة 248 إلى 255 مثله بهرقل وميكافيلي وبنو أمية عند ياسين وأتباعه، حكمهم وملكهم لا عبرة له. Donc, vous avez vu ceux qui ont été éduqués par les livres d'El Seyyed Qutb et dont la culture est basée sur Zilal al-Qur'an et sur les livres de Seyyed Qutb, il est passé avec nous certaines mauvaises paroles, des insultes de Seyyed Qutb dans son livre « Livre et personnalité »« Kutub wa Shakhsiyat » page 242, que Muawiyah et son ami Amr ibn al-As radiyallahu anhum jami'an, ils n'ont pas vaincu Ali parce qu'ils connaissaient bien comment gérer les gens, parce qu'ils savaient bien gérer les gens, mais et parce qu'ils savaient bien diriger les situations, mais parce que ils étaient libres, ils n'étaient pas conditionnés par le bon comportement et par la dignité, et que Ali était conditionné par le comportement et par la dignité. Alors quand Muawiyah, ainsi dit Sayyid Qutb, quand Muawiyah et son ami, c'est-à-dire Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, penche vers le mensonge, la trahison, l'hypocrisie, les pots de vin pour acheter les gens, Ali ne se rabaisse pas à ce point-là. Et il dit à la fin, il n'y a rien d'étonnant qu'eux ils réussissent et que lui, il ne réussit pas. Il a dit, le fait de ne pas avoir réussi est mieux que la réussite qu'ils ont eue. Regardez comment il a parlé de Muawiyah et de son compagnon et de l'autre compagnon du prophète, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Cheikh ibn Baz, rahmatullah alayh, quand il a entendu ces paroles, où il a lu ce passage, il a dit, c'est une parole blâmable, ceci est une insulte à Muawiyah, est une insulte à Amr ibn al-As, ces livres doivent être déchiquetés. Et, similaire à ces paroles, les paroles d'Abd Islam Yassin, le fondateur d'Yal, l'Adl wa l'Ihsan, là où il n'y a pas ni Adl ni Ihsan, plutôt les Yassinites, dans une vidéo qui date de 1989, dont le titre, soi-disant, la discussion devait tourner autour de l'Ihsan, là où il n'y a pas d'Ihsan. Il a décrit Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu comme quoi Muawiyah est le premier dictateur que l'Islam a connu. A'oudou billah. Et dans son livre Shura, ou Démocratia, de la page 248 à 255, il a il a désigné Muawiya comme quoi qu'il est l'exemple de Héracle. Vous connaissez Héracle, hein? Celui chez qui Abu Sufyan est arrivé et lui a demandé de lui parler de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui était le roi de qui? Héraclius. Des Romains. La Rome de, du Moyen-Orient. Hein? Et il a dit qu'il est comme Mikavili. A'oudou billah. Regardez la ressemblance. Il compare un musulman, un compagnon du prophète alayhi salatu salam, un homme qui a écrit le Coran et la révélation du prophète alayhi salatu salam et d'autres choses pour le prophète alayhi salatu salam, il le compare à Mikavili et à Héracle. Ibn Umayya, les Umayyades chez Yassine, ici les disciples de Yassine, le reine, hein, ne vaut rien du tout. Il a aucune considération chez ces gens-là. Et ceux-ci, tu l'entends dans leurs conférences, l'entends dans leurs écrits, etc. فمن هو معاوية الذي يطعن في هؤلاء والطعن بهم أولى وبهذه الوقفة مع معاوية رضي الله تعالى عنه نختم هذه اللقاءات حول دراسة المورد العذب الزلال ونواصلها بعد العيد إن شاء الله. Donc qui c'est معاوية que ces gens-là insultent et critiquent alors que les critiques et les insultes doivent être plutôt dirigés vers ces gens-là, avec secours sur Muawiya radiallahu ta'ala. Nous allons résumer cette première rencontre autour de l'étude de l'Mawrid de l'Adb Zulal du Cheikh Najmi Hafidhahullah. Nous allons la reprendre après l'Aïd, Inch'Allah. فَلْنَعْلَمْ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ أن الله عز وجل يقول في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومعاوية من هؤلاء الرجال ومعاوية من هؤلاء الرجال. devons savoir frère الله عز وجل الله سبحانه وتعالى dans sourate al-ahzab في cette citation il nous dit ceci: il est des croyants des hommes qui ont été véridiques dans le pacte qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jal. Il y a certains parmi eux qui ont atteint leur fin. Et d'autres attendent. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé à la religion d'Allah Azza wa Jal. Muawiya fait partie de ceux-là. Muawiya fait partie de ces hommes qui ont été véridiques dans leur pacte avec Allah Azza wa Jal. Et qui n'ont rien changé. وهؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم معاوية. قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الذين اصطفاهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه وعمر بن العاص وأبو معاوية كذلك رضوان الله عليهم أجمعين. Et ceux-là, ce sont les hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a élus pour accompagner son prophète alayhi salatu wassalam et pour faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi ces compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Muawiya est l'un d'eux. Son père Abu Sufyan est l'un d'eux. Amr ibn al-As est l'un d'eux. Fait partie de ces hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a élu pour accompagner Muhammad alayhi salatu wassalam et pour faire triompher la religion d'Allah azza wa jal. Une citation dans surat An-Naml, la fourmi, dit... Il dit, louange à Allah et paix sur ses adorateurs qu'il a élus. Hein? Les adorateurs qu'il a élus, Ibn Abbas nous dit que ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et sache que Muawiya fait partie d'eux. Donc il est élu aussi avec les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Il rentre dans ce verset. Son père aussi, Amr ibn al-As aussi. رضوان الله على صحابة رسول الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه نزي الله سبحانه وتعالى regardez dans les cœurs des serviteurs. Il a trouvé que le cœur de Mohammed عليه الصلاة والسلام est le meilleur des cœurs des humains. Il l'a élu. Il l'a envoyé avec son message. Et il a regardé dans le cœur des humains. Après Mohammed alayhi salam, après le cœur de Mohammed alayhi salam, il a vu que les cœurs des compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour Mohammed alayhi salam étaient les meilleurs de l'humanité. Il a fait qu'ils soient ses vizirs, qu'ils soient ses alliés, qu'ils soient ses compagnons et qu'ils soient ses alliés pour combattre pour la religion de Mohammed alayhi salam avec laquelle il a été envoyé. Et sache, frère, on Allah azza wa jal, que Muawiya et Abu Sufyan et Amr ibn al-As radiyallahu anhu font partie de ces gens-là, que tu le veuilles ou non. Peu importe que toi tu le veuilles ou non, Huma, ils font partie. Ashabu Muhammadin alayhi salatu wassalam, la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ne les aiment qu'un croyant. Le croyant, c'est lui qui aime les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Il ne déteste les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام qu'un hypocrite. Imam Tahawi رحمة الله عليه dans l'aqidat Ahlus Sunnah ou Jama'a, l'aqidat Tahawiya, il dit: les croyances et la aqida des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, il dit, et nous aimons les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et nous négligeons dans notre amour aucun compagnon, et nous désavouons tout un chacun qui les déteste, ou là qui désavoue un d'eux, et nous détestons ceux qui détestent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et nous détestons ceux qui les qui parle d'eux en mal. Et on ne parle des compagnons du prophète qu'avec le bien. On ne les cite qu'avec des bonnes choses. On les évoque qu'avec des bonnes choses. Et leur amour est une religion. Leur amour est iman. Leur amour est une perfection. Et le fait de les détester, c'est une mécréance, est une hypocrisie, et pour rien dépasser ses limites. Maintenant, regarde, maintenant que tu vas dans certains sites, regarde au moment pour marquer la révolution iranienne, la révolution de Khomeini, de celui qui insulte les plus grands compagnons du prophète alayhi salam, hein. L'effigie, là, un timbre a été fait pour commémorer la révolution soi-disant islamique qui n'est de l'islam que le nom. Hein? C'est plutôt une révolution rafidite. Il faut appeler les choses par leur nom. Un timbre pour commémorer cette révolution, vous savez à qui? Deux timbres ont été faits pour un. Un avec la photo de Sayyid Qutb, qui insulte les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a un avec l'assassin de Sadat. Du trouble. Un timbre avec la tête, avec la photo de Sayyid Qutb, et l'autre avec, hein? Parce que l'origine de cet état, c'est une origine qui sort directement du gérant d'Abdullah ibn Saba. Hein? Rafida, Khawarij, kada, hein? La fitna qui l'a allé monter contre Uthman ibn Affan. Qui l'a allumé? Qui a attisé la haine des gens contre Othman ibn Affan رضي الله تعالى. Et regardez les timbres de cet état comment ils sont. Et après Ado, hein, que ce soit l'Ikhwan ou la Yassinite du Maroc, ils font l'éloge de cet état. Ils sont même allés baiser la main d'Yel Khomeini pour le féliciter. Le féliciter de quoi? Des insultes qu'il fait à Abu Bakr Siddiq et des insultes qu'il fait aux compagnons et du fait qu'il rend mécréant certains tous les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, à l'exception de quelques-uns que tu peux compter sur les doigts de ta main. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من هؤلاء الرجال من الصحب الكرام رضوان الله عليهم. معاوية رضوان الله تعالى معاوية رضي الله تعالى وارضاه ainsi que son père Abu Sufyan fait partie de ces nobles hommes et de ces nobles compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. فالكلام عن معاوية من واجبنا أن ندافع عن معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن واجبنا شرعا أن ندافع عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم خصوصا وأنت تسمع في بعض القنوات من يسبهم علنا في القنوات الآن الفضائية من يتجرأ أمام العوام وأمام الجهال بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقول عن معاوية وغير معاوية أنهم سفهاء وجهال عياذا بالله مما يقولون ومنهم من تجرأ فكفر معاوية على الملأ عبر الفضاء وكفر علماء الأمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول هؤلاء؟ ماذا يقول هؤلاء الذين يدافعون الآن عن سيد قطب وهو في كتبه كتبه تحمل الشتم لصحابة رسول معاوية رضي الله عنه ولأبيه سفيان ولعمر بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين. دونك معاوية بن أبي سفيان فخيرنا الله عز وجل في partie de ces nobles hommes, de ces nobles compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il est de notre devoir de défendre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une obligation de parler en bien, de défendre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'on entend sur certaines chaînes de télé des gens qui font de Muawiyah un insensé et un ignorant, alors que eux, c'est eux les ignorants et les insensés, et certains qui ont rendu mécréant Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et tout ça, t'étonne pas après que tu as un daron à côté de toi, ou là un padre à côté de toi, comme vous dites ici à Bruxelles, hein, que après il te sort des mauvaises paroles sur le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. D'où il l'a tiré? De ces chaînes qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, et qui ne préservent pas l'esprit des gens, et qui propagent n'importe quoi dans la communauté de l'islam. Et certains, en plein public, mécréant Mu'awiyah al-Aydan Billah, mécréant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et plein de savants de la communauté A'udhu Billah. Il faut défendre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection. À la perfection. C'est un devoir, ya akhal islam. Ce sont nos aïeuls. Ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur chemin, c'est le seul chemin qui amène vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَتَعَجَّبُوا أَنْ يَخْرُجَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ عَبْرَ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَةِ أَوْ عَبْرَ الْإِعْلَامِ الَّذِي سُخِّرَ فِي حَرْبِ الْإِسْلَامِ. فَقَدْ خَبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِثْلَ هَذَا السَّفِيهِ مِثْلَ هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ الْجُهَّالِ. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه والحديث في سلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمة الله عليه سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وها نحن فيه. هذا الحديث يزيدك تمسكا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يدفعك إلى الأمام في التمسك بمنهج سلف هذه الأمة. إن كل الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمامنا. Il ne soyez pas, ne vous étonnez pas que des insensés pareils parlent ainsi des compagnons du prophète alayhi wa sallam à travers les médias, etc. Que ce soit les médias qu'on entend, ou là les médias visuels, ou là les médias écrits, etc. Tous ces outils, ces moyens sont utilisés pour combattre l'islam et l'authenticité de l'islam et la pureté de l'islam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien d'étonnant dans tout ça. Quand tu reviens à la sunna de ton prophète alayhi wa sallam, ceci doit arriver. Et il arrive comme il l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On est par exemple ce hadith dans Sunan ibn Majah, qui est un hadith authentique. Et il est dans les chaînes des authentiques de Cheikh Nasr rahmatullah alayh. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'à la fin des temps, il y aura des ignorants et des insensés qui vont dire n'importe quoi. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, va arriver des années qui sont traîtres. Les années ne trahissent pas les années. Hein? Mais ce qui va être dedans, c'est des choses qui sont traîtres. C'est-à-dire, renversement de situation. La tête, c'est les pieds, et les pieds, c'est la tête. On rend véridique le menteur. On prend pour véridique le menteur. Et on prend pour menteur le véridique. Tout a changé. Hein? Et celui qui n'est pas digne de confiance, on lui donne la confiance. Et celui qui est digne de confiance, on le fait traître. Hein? Et à ce moment-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ilans Irwaybida va parler. Irwaybida, c'est qui quand ils ont posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi Irwaybida et Rasoulallah? Qala l'insensé qui parle sur les sujets généraux. Parle sur du sujet qui concerne toute une communauté. Hein? L'insensé qui parle sur les sujets qui concernent toute une communauté. Hein? Comme l'insensé qu'il y a eu en Angleterre, qui a poussé nos frères en Algérie à faire couler le sang pendant 20 ans, en leur donnant ces fatawas. Hein? Les fatawas que tu peux dire, des fatawas, dire Dracula. Parce qu'il aura autorisé de tuer les enfants, les femmes, tout. Parce que tous ce sont des mécréants. Hein, c'est l'insensé. Qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, qui ne préserve pas les droits d'Allah Azza wa Jal dans la communauté. Fa Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, hal na'rifu haqiqatan ayyuha al-ikhwa? Hal na'rifu Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, ibn Umayyah, ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي المكي أبو عبد الرحمن أمير المؤمنين والده أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا عنه وعن أبيه ورغم أنف الحاقدين فهم صحابة رسول الله وحاذوا بصحبة رسول الله وأنت تحقد عليهم ولم ترى رسول الله ولم تشم رائحته وتطعن فيهم وما شممت رائحتهم والطعن فيك أو لا إسكو غيالمون كون كيسي معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه معاوية بن أبي سفيان أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريشي لمياد الأموي المكي المكوى أبو عبد الرحمن le prince des croyants et tu peux le dire et rince-toi la bouche avec du miel parce qu'il a été prince des croyants son père Abu Sufyan رضي الله عنهم جميعا عن معاوية وعن أبي سفيان رضوان الله عليهم ils ont eu Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils soient des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام qu'ils aient vu le prophète alayhi salatu wasalam et qu'ils se soient convertis, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que Muawiyah soit le prince des croyants, que tu le veuilles ou non, toi qui le critiques. Et la critique vaut mieux, il vaut mieux que la critique se dirige contre toi, et non pas contre Muawiyah, ni Abu Sufyan, ni autre, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ummuhu hiya Hind bint Utba, radiyallahu anha wa ardaha. Et sa mère c'est Hind, la fille de Utba, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, elle aussi. C'est une compagnante. Il a fait l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Wa ukhtuhu hiya ummu habiba ummul mu'minin ridwanullahi alayha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana Muawiya radiyallahu ta'ala rajulan tawilan abyad jamil idha dhahaka qalabat shafatahu al-'ulya wa kana radiyallahu anhu عنه أميرا للمسلمين 20 سنة وخليفة 20 سنة 20 سنة وهو خليفة للمسلمين وأمير على المؤمنين رغم أنف من يحقد عليه ومن يبغضه والبغض به أولى سسر أم حبيبة c'est la mère des croyants que الله سبحانه وتعالى l'agrée. Il était la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Partant de là, Muawiya, c'est l'oncle maternel des croyants. Muawiya, radhiyallahu anhu, il était grand. Il était blond de peau. Il était beau. Et quand il sourit, sa lèvre d'en haut se retourne vers le haut. Sa lèvre d'en haut se tourne un petit peu. Et il était prince des croyants, et khalifat al-mu'minin, 20 ans. Qu'on déplaise à ceux qui le détestent. Il était prince et khalifa des croyants 20 ans. Amma manaqib Muawiya radiyallahu ta'ala anhu warda fa hiya katiratun jiddan. Wa raghima anfu al-haqidin li sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Quant aux vertus et aux qualités de Muawiya radiyallahu ta'ala, ils sont nombreuses. Qu'on déplaise à ceux qui le détestent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Awalan, kana ridwanullahi alayhi, katiban li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yaktubu al-wahya wa ghayra. Wa anta lam tahda bihada. Fakayfa tatakallamu biman kana yaktubu li rasulillah, yaktubu an rasulillahi al-wahya wa ghayra al-wahya. Premièrement, l'une de ses qualités, et pas la moindre, il écrivait pour le prophète, alayhi salatu wassalam, la révélation et autre chose, les lettres et autres. Et toi qui le critiques, à qui tu écris? Et lui, il a eu cette opportunité, Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait qu'il écrive la révélation et les lettres du prophète, alayhi salatu wassalam, et autre chose pour le prophète alayhi sallam. Donc il était proche du prophète alayhi sallam. Qu'on déplaise à ceux qui détestent les compagnons du prophète alayhi sallam. Ridwanullahi alayhim. Yaqulu Abdullah ibn Amr, kana Muawiya yaktubu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha akhrajahu al-imam Dabi rahmatullahi alayhi fi siyar alam nubala. Wa yaqulu ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abih, kuntu al'abu ma al-ghilman. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فادع لي معاوية قال وكان كاتبه وهذا هو الشاهد وكان كاتبه فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه على حاجة وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند عبد الله بن عمر ندي كمعاوية écrivait pour le prophète عليه الصلاة والسلام écrivait tout la révélation et autres. Ceci est rapporté par l'imam Dhabi, rahmatullahi alayhi, dans Siyar Alam Nubala, tome 4, page 265. Ibn Abbas veut nous dire, dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, dans le Musnad, il dit, je jouais avec les gamins. Ibn Abbas raconte, je jouais avec le gamin, et le prophète alayhi salatu wassalam m'a appelé. Il m'a dit, va me chercher Muawiya, radiyallahu anhum jami'an. Et il a dit, il était son scribe. Il écrivait pour le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le témoignage. Qui dit ça? Abdullah ibn Abbas, il dit, wa kana katibuhu. et il écrivait pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, je suis parti voir Muawiya et je lui dis, hein, le prophète t'appelle, réponds à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, il a besoin de toi. Ya Allah, t'as eu cette opportunité d'être appelé par Abdullah ibn Abbas, hein, l'homme de science de la communauté par excellence, pour qu'il t'appelle, hein, pour t'annoncer que le prophète il te demande. Tu l'as pas eu. Et tu confrontes à Muawiya, et tu parles de Muawiya, et des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Taniyan min manaqibihi ridwanullahi alayhi. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da'ala. Fait partie de ses vertus, et de ses qualités. C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait du'a. Et on sait tous que le du'a des prophètes, alayhi salatu wassalam, est exaucé min Allah, azza wa jal. Oui ou non? Hein? Et toi qui t'as fait du'a? عن العرباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب أينكم يا من تشتمون معاوية من هذا الدعاء المبارك من خاتم الأنبياء والمرسلين Arbad ibn Sariya nous dit dans ce hadith qui est rapporté dans Sahih ibn Hibban et dans Jumu' al-Zawa'id, et Cheikh al-Albani l'a ramené aussi dans Sahih Mawarid al-Dham'an. Il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, oh Allah, apprends à Muawiya, donne la science à Muawiya. Oh Allah, donne la science du livre à Muawiya et donne-lui la science du calcul et préserve-le du châtiment. Où êtes-vous, tout moi qui insultez Muawiya de ces deux a du prophète alayhi salatu wassalam? Où en êtes-vous? Hein? Wa Abdurrahman ibn Abi Umayra wa kana min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li Muawiya radiyallahu anhu Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bih. Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bih. وهذا في سنن الترمذي والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي أين هؤلاء من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن أبي عميرة il était un des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام il a dit que الرسول صلى الله عليه وسلم a dit à Muawiya oh Allah fait qu'il soit un guide et qu'il soit guidé qu'il soit un guide et qu'il soit guidé يا الله انت الحديث اللي دون سنن الترمذي وتنتفي بار شيخ ناصر رحمة الله عليه وعن أبي إدريس الخولاني قال لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية فقال الناس عزل عميرا وولى معاوية فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي به الله أكبر شرف وأي شرف اللهم اهدي به أبو إدريس الخولاني ندي dans ce qui est rapporté dans le tarikh al-kabir la grande histoire de Bukhari et Cheikh Nasr il l'authentifie chez Tatar dans Sunan Tirmidhi. Il dit quand Omar ibn al-Khattab a enlevé de la wilaya de Hams Omar ibn Sa'd, il a mis à sa place Muawiya. Les gens ont commencé à dire il a enlevé Omar et il a mis Muawiya. Omar leur a dit n'invoquez Muawiya qu'avec du bien. Ne dites rien de mauvais sur Muawiya. Ne dites que du bien sur Muawiya. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire oh Allah guide par son intermédiaire. Ehdi bihi ya Rab. Allahumma ehdi bihi. Et Allah, qu'est-ce que vous voulez encore? Ça c'est Muawiya. Donc, Hadou il l'insulte, Hadou il le rend mécréant d'autres, etc. Hadou il dénigre l'empire Omeyyade, etc., etc. Thalitan, ومن مواقبه رضي الله عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله. Fait partie de ses qualités. C'est que il pleurait beaucoup par crainte d'Allah Azza wa Jal. دخل رجل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بحديث سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فما عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل ألم وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما أتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل فلان جواد وقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فبماذا قتلت فيقول أي رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بأردت أن يقال فلان جريء فقد قيل. C'est maintenant dans cette qualité qu'avait Muawiya رضي الله تعالى le fait de pleurer par crainte d'Allah عز وجل. Un homme est rentré chez Muawiya radiallahu ta'ala et lui a annoncé un hadith qu'il a entendu d'Abu Huraira. C'est-à-dire l'homme compte le hadith qu'il a entendu de Abu Huraira Muawiya radiallahu ta'ala. Muawiya dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y aura le jour de la résurrection, il va descendre pour trancher, pour juger entre les humains. Et toutes les communautés attendent. Hein? Et les premiers qui vont être convoqués devant Allah Azza wa Jal, c'est un homme qui a réuni le Coran, qui a appris le Coran. Il y a un homme qui est mort sur le sentier d'Allah. Il y a un autre qui a beaucoup de fortune. Et un homme fortuné. Allah subhanahu wa ta'ala dit à celui qui a mémorisé le Coran et qui a le Coran, est-ce que je ne t'ai pas appris ce que j'ai descendu sur mon prophète? L'homme dit, certes, ya Rab, tu me l'as appris. Qu'est-ce que t'as fait avec? L'homme lui dit, je veillais la nuit avec. C'est-à-dire, je faisais des prières de nuit avec. Et le jour aussi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu mens. Tu imagines? Cette situation, que la personne se trouve devant Allah, et Allah il lui dit tu mens. Quand t'as ton copain, il te dit tu mens, comment tu deviens? Ouais. Là, c'est la situation grave. Allah Azza wa Jal qui dit à la personne tu mens. Les anges disent à la personne tu mens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais t'as voulu avec ça que les gens disent que toi tu es quelqu'un qui lit bien. Tu es un qari, là tu es un alim. Hein? Il a été dit. Et il dit après on ramène l'homme qui a la fortune. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, est-ce que je t'ai pas donné de la largesse dans la subsistance? Tu as eu beaucoup de fortune. Et à tel point que tu avais besoin de personne. Il dit, serre-toi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, qu'est-ce que tu as fait dans ce que je t'ai donné? Il dit, ah, il répond à Allah, Azza wa Jal. J'ai entretenu les relations familiales et j'ai donné de l'aumône, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore une fois, tu mens. Les anges lui disent, tu mens aussi. Mais Allah il lui dit, tu as voulu qu'on dise que tu es généreux, il a été dit. Et on ramène celui qui est mort sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Comment t'as été tué, toi? Lui pose la question à Allah Azza wa Jal. Alors que là, subhanahu wa ta'ala, c'est leur situation. Il lui dit, oh Allah, il m'a été ordonné de combattre sur ton sentier. Et j'ai combattu jusqu'à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore une fois, tu mens. Les anges disent, tu mens. Hein? Mais tu as combattu pour qu'on dise que tu es audacieux et courageux, il a été dit. يقول أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فانظر عالم ومنفق ومجاهد وأول من تسعر بهم النار. لما؟ عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يا أبو هريرة ندير. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur mes cuisses, sur mon genou, et il a dit, Ya Aba Huraira, ceux-là, ce sont les trois premières personnes avec lesquelles va commencer là, avec lesquelles Jahannam va commencer, les premiers que Jahannam va consumer. Les premiers. Et regarde, un homme de science, un homme qui a dépensé sur le sentier d'Allah, un homme qui est mort sur le sentier. Pourquoi? Parce que la sincérité n'était pas dans leur acte. فقال معاوية هذا الشاهد. فقال معاوية رضي الله عنه بعدما سمع الحديث قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله. وتلا قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والحديث في سنن الترمذي وفي صحيح ابن حبان وصححه الشيخ ناصر رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي. Quand Muawiya a entendu la parole d'Abu Hurayra radiallahu ta'ala, il a dit, comme ça il a été fait de cela, qu'est-ce qu'il reste pour les autres? Ainsi, il a été fait de cela. Qu'est-ce qui reste pour les autres? Comment ça va être la situation des autres? Et il a pleuré. À tel point que l'assemblée a cru qu'il allait périr. Ils ont dit entre eux, cet homme, c'est-à-dire l'homme qui a conté le hadith d'Abu Huraira, est un homme qui a ramené le mal. Et à ce moment-là, Muawiya s'est réveillé, s'est revenu à lui-même. Et il s'est essuyé le visage, et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai, son messager a dit vrai. Et il a récité ce verset du Coran, celui qui veut ce bas monde, et le bien de ce bas monde, nous allons leur donner. Ils auront leur compte. Et ils seront pas lésés dans ce bas monde. Et ceux-là n'ont rien dans le delà. Dans le delà, ils n'auront que l'enfer. Et tout ce qu'ils ont fait sera avili. Et tout ce qu'ils auraient fait, il sera nul. Le hadith, il est rapporté dans son intermédiaire authentifié par Cheikh Nasr, rahmatullah alayh. Et après, regardez comment il était Muawiya radiallahu ta'ala. Et après l'autre Yassin, il dit de lui que c'est un dictateur. A'oudou billah. Et quand Hadas a lui été, quand il était déjà prince des croyants et khalifat al-muslimin. Rabi'an. من مناقبه رضي الله عنه أنه كان حريصا على وعظ الناس وتذكيرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المحمد بن كعب القرظي قال معاوية على المنبر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع الغنى منك غنى ذا الغنى الغني لا ينفع غناه أمامك وإنما ينفعه ماذا إيمانه وطاعته وقال ولا ينفع ذا الجد منك الجد من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. وأي شرف هذا أن يقوم على نفس المنبر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا سمع هؤلاء الذين يسبون ويطعنون في معاوية من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سمعوا؟ ولا شيء. وهل حظوا بما حظى به معاوية من الصعود على منبر صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Fait partie aussi des qualités de Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, c'est que il tenait à faire des exhortes importantes aux gens et à rappeler les gens ce qu'il a entendu du prophète alayhi salatu salam. Et alors rappeler ce qu'il a entendu lui-même du prophète alayhi salatu salam. Muhammad ibn Ka'b al-Qurdi de nous dire que Muawiyah il est monté sur le manbar. Et il a dit, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa Allah, personne ne peut donner ce que tu as. Tu as arrêté. Est-ce que tu ne donnes pas? Et rien ne peut interdire ce que tu donnes. Et la richesse de tout un chacun ne lui servira pas devant toi. Ce qu'il va lui servir, c'est seulement son obéissance, sa foi, sa soumission. Et il dit, et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, j'ai entendu ces phrases du prophète alayhi salatu wasalam sur son manbar. C'est-à-dire que Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, il est monté sur le même manbar que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et toi qui le critique, tu es monté sur quoi? Sur le manbar de l'Khasira, ou le diel imbécile, hein? Ou la tête de, ou la marde gage. Walakin hada, il est monté sur le même manbar qu'a monté le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il a entendu du prophète alayhi salatu salam. Et il a transmis en disant, j'ai entendu du prophète alayhi salatu salam. Qu'est-ce que tu as entendu toi du prophète alayhi salatu salam? Le Khomeini a dit, il est rapporté dans le kafi. Alors, kafi, il est. Hein? وعن معبد الجهني قال كان معاوية قل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان قل ما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. مسند الإمام أحمد. Et Ma'bed al-Juhani, il a dit, Muawiyah ne faisait pas beaucoup de hadith du prophète, alayhi salatu salam. Mais quand, chaque fois, qu'il montait sur le manbar le jour d'Yal Jumu'ah, il rappelait aux gens ces paroles du prophète, alayhi salatu salam. Il leur disait, celui à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, veut du bien, il le verse dans la science de la religion. Et que cet argent, il est beau. Celui qui le prend en préservant les droits d'Allah, Azza wa Jal, dans l'argent, cela Allah subhanahu wa ta'ala va lui bénir son argent. Et faites attention au fait de vous faire des éloges les uns les autres et de vous complimenter les uns les autres, parce que ceci c'est l'égorgement. Quand tu fais un compliment à ton frère devant lui, là tu l'égorges. Parce que tu aides Shaitan, peut-être qu'il va se gonfler, etc. Et tu l'amènes à ce qu'il soit un but de lui. Hein? Et regardez, cette phrase, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, lui donne la science de la religion. Hein? Donc, il rappelait, chaque fois qu'il montait sur le manbar, il le rappelait ça. Parce qu'il savait, radhiyallahu anhu, que le fait d'avoir la science de la religion, c'est ce qui sauve, ce qui permet d'être sur la droiture. Et que ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour cette personne. Et lui a donné la science de la religion. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو عبد ربه قال سمعت معاوية يقول على هذا المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبت أعلاه خبت أسفله يشير إلى حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. Et aussi dans ce qui est rapporté par Ibn Hibban, et il est dans l'encyclopédie des hadiths, avec une chaîne de transmission qui est bonne, il dit que Ali ibn Ishaq l'aura annoncé, qu'Abdullah ibn Mubarak a dit, et qu'il aura annoncé, qu'Abdullah ibn Mubarak a dit que Abdurrahman ibn Yazid l'aura annoncé, ibn Jabir, il aura dit, mais il t'est dit de Abu Abdi Rabbeh qu'il a entendu Muawiyah radiallahu ta'ala dire sur ce manbar. Hein? J'ai entendu le prophète alayhi salam dire, il ne reste de ce bas monde que les perturbations et les épreuves. Les perturbations et les épreuves. Et l'exemple de vos actes, ce sont comme un récipient. Quand le haut du récipient est bon, hein, le bas est bon. Et quand le haut est impur, ça veut dire le bas est impur. Il fait allusion à quoi? À la bonne fin dans les actes. À la bonne fin dans les actes et à la mauvaise fin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Tout ça, Muawiyah radiallahu ta'ala, nous l'a entendu du prophète alayhi salatu salam, il est trop smonté du prophète alayhi salatu salam. خامسا من مناقبه رضي الله عنه أنه كان حريصا على تعليم المسلمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et sa cinquième qualité, il tenait à apprendre aux musulmans la sunna de leur prophète عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء طاعنين في معاوية رضي الله تعالى عنه مخالفون لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويدعون لمخالفة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بإخراج المسلمين للمظاهرات وإفتاء الفتيات بالكذب على آبائهن لكي يحضرن مجالس الياسينيين. هذا الذي يقول عن معاوية أنه دكتاتور, أول دكتاتور عرفه الإسلام, لازم يفتي الفتيات. يقولنا سألته فتاة, قلت والدي لا يتركاني أن أأتي إلى مجالس الياسينيين, فقال حينها يجب أن تكذبي عليهم كذبة صغيرة, وهذا شريط مرئي, يجب اكذبي عليهن ولا يجوز لك أن تكذبي عليهن فتوى بجواز الكذب. ويقول حتى أريد, قولي لوالديك أريد أن أذهب لأهين الامتحان عند أخواتي في الدار البيضاء في شبلاسة ولو وإن كنت في تطوان وكذا. يجرئ على الكذب على والديها ويخرجها أن تسافر بدون محرم. كل هذا, هذا الذي يقول عن الذي كتب عن معاوية أنه أول دكتاتور عرفه الإسلام, ومعاوية حريص على تعليم المسلمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant, معاوية رضي الله تعالى عنه tenait à apprendre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام aux musulmans. Et ceux qui sont en divergence avec la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et qui appellent à être en divergence avec la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et avec la voix du puiseur d'Allah, appellent aux manifestations. Garçons et filles mélangés, venez. Main dans la main, coude dans le coude. Une voix, là-bas au nord de la France, derrière vous à la frontière, là-bas à Lille. Les têtes à douler. Un jour, ils sont sortis en manifestation. Et je ne sais plus quel journaliste d'une chaîne a dit encore, les extrémistes sont sortis dehors. Les hommes devant et les filles derrière. Et Ada, il a répliqué sur une chaîne de radio, non, on n'était pas les filles derrière et les hommes devant, mais on était frères et sœurs, coude à coude. Subhanallah. A'udhu billahi min al-khudlan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala al-tabat wa husn al-khatima. Pire encore, Ada, Yassine qui dit dans son livre, Démocratie ou Shura ou la Shura ou Démocratie, aina la Démocratie ou la Shura. Il a donné même le verdict, une fatwa à une fille pour mentir à ses parents. La fille dit, et ça c'est une vidéo, il parle comme ça. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. La voix de Yassine, il n'y a pas de... Viens pas me chanter trucage, là, pas trucage. Ça, c'est dans ta tête, le trucage. Il lui dit... La fille lui dit, ouais, mes parents ne me laissent pas venir aux assises d'El Yassini. Elle dit, dans ces cas-là, tu peux. Il est permis dans ces cas-là de leur faire un petit mensonge. Regarde. Un péché capital, il faut le faire passer, hein. Un petit mensonge. Tu leur dis dans ces cas-là que tu vas préparer tes examens chez ta copine à Casablanca, ou là. La fille, elle est peut-être de Tétouan, ou là de Nador, ou là de Tanger. Il lui donne l'audace, il la pousse à mentir, et à tomber dans un péché capital, et à voyager sans mahram. Pourquoi tout ça? Pour venir écouter le khurafat du matin, les rêves des uns et des autres. Et regardez, il dit de Mouawiyah que c'est le dictateur, le premier dictateur de cette communauté. Regardez, Mouawiyah, lui, il s'acharna à enseigner quoi? La sunna à la communauté de Mohammed alayhi sallatu salam. فهذا مثال من إحياء بأن معاوية كان كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والحديث صحيح لغيره وهو في الموسوعة الحديثية. حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال كنا عند معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فقال لا إله إلا الله فقال معاوية لا إله إلا الله قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو نبيكم إذا أذن المؤذن بين الناس خليفة وسمع فبين لهم كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم ما كان يسمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا يأتي هؤلاء المخرفون مخالفون للكتاب والسنة مختلفون عن الكتاب والسنة ويطعنون في أطهر خلق الله بعد الأنبياء رضوان الله عليهم وهم صحابة رسول الله يحيى بن نزير حدثنا دون الحديث كي رابورتي دون المعجم الكبير للطبراني دون المسند الامام احمد اللي دون اللي صحيح اللي دون لونسيكلوبيدي دو حديث حديث يدي كو يحيى لو غادي دو محمد بن عمرو ادي كو سون بير لو ادي لو رابورت دو سون غران بير كيلز ايتي شي معاويه دونك دي تيموان اوكولير Et quand le mouaddin a dit Allahu Akbar, Muawiyah a dit Allahu Akbar. Il a répété tout ce qu'a dit le mouaddin, il l'a répété. Comme il l'a appris du prophète alayhi salatu salam. Et quand il a terminé d'être arrivé à la ilaha illallah, il a dit aussi la ilaha illallah, il a dit aux gens, ainsi faisait votre prophète alayhi salatu salam. Ou il a dit, ainsi faisait le messager d'Allah alayhi salatu salam. Quand le mouaddin fait l'adhan, c'est ainsi que faisait le prophète alayhi salatu salam. Ainsi, il leur enseignait ce qu'il a appris du prophète, alayhi salatu salam. Alors que tu entends cela, il t'enseigne quoi? Là, il te donne le fatwa pour mentir à tes parents. A'oudou billah. Kadhalika, fi musnad shamiyin wa musnad l'imam Ahmed, wa l'hadithu sahihu l'ghayri wa wafil musu' al-hadithiya, haddatana Ali ibn Bahr. حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه ذكر لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مسح بغرفة ماء على رأسه حتى يقطر الماء من رأسه أو كذا يقطر وأنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ رأسه وضع كفيه من المقدم على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفات مردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه فرضي الله عن معاوية وعن صحابة رسول الله جميعا بدون استثناء هذه aussi dans ce qui est rapporté dans le musnad d'al-Shamin et chez l'imam Ahmed Le hadith, il est bon. Il est sahih. Dès que Abdullah ibn al-Ala le rapporte de Abi al-Azhar de Muawiya, il aura cité le dos du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et il a pris une poignée d'eau, il l'a versée sur sa tête, il l'a passé la main, il est revenu. Et il voyait l'eau couler, ou presque des gouttes d'eau couler de la tête de Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Et qu'il leur a montré l'eau du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est passé sa main de devant jusqu'à l'arrière, il est revenu au point de départ. Ridwanullah alayhi. Ainsi, il apprenait, il remplissait son devoir de transmettre ce qu'il a su du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, il profitait du dua du prophète alayhi salatu wassalam, Naddarallahu. Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua, c'est quoi, à celui qui, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de celui qui entend de moi quelque chose et qui la transmet comme il l'entend. Et ainsi. Donc ça veut dire que Muawiya radhiyallahu ta'ala, il avait un visage illuminé par le dua du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'il a une part de ce dua du prophète alayhi salatu wassalam. وحدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية يخطب بالمدينة يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم أين علماؤكم ماشي أنه لا يوجد علماء في المدينة لا حاشا وكلا ولكن أين العلم الذي تعلمتمه كأنه يذكره امرأة شيئا من المنكر وهذا يدلك كذلك على أن ولاة الأمور كانوا ينكرون المنكر ها؟ ليس كما يقول كانوا يعملون المنكر لا كانوا ينكرون المنكر هل أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم فليصوم فإني صائم فصام الناس يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام عاشوراء سنة مستحبة وليس بفريضة أين علماؤكم أين العلم الذي تعلمتم ما؟ وفي قضية المنكر سيأتي معنا في إنكار المنكر رضوان الله عليه. Donc عبد الرزاق rapporte qu'il a dit que معمر عن الزهري l'aura dit de حميد بن عبد الرحمن بن عوف qu'il a entendu Muawiya faire un sermon à Médine. Et il dit aux gens de Médine, où sont vos savants? C'est-à-dire, oui, la science, pas, il n'y a plus de savants. À cette époque-là, Médine était plein d'hommes de science. Et simplement, il le rappelle, où est la science que vous avez appris? J'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam qu'aujourd'hui c'est le jour de Ashura. Et il n'est pas obligatoire, il ne nous a pas été fait obligatoire de le jeûner. Celui qui le jeûne, qu'il le jeûne, qu'il veut le jeûner, qu'il le jeûne, je vais jeûner. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je le jeûne. Et les gens ont jeûné. Et ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur montre que le fait de jeûner Ashura, ce n'est pas une obligation. Hein? الحديث اللي دون مسند عبد الرزاق كذلك عند النسائي وهو ضعيف كما ذكره الشيخ ناصر رحمة الله عليه في ضعيف أبي داود لكن الحديث هو الاستثناء فقط للاستئناس فقط لأن ما فيه سنة مشروعة بأحاديث صحاح حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد عن محمد يعني ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا أنه صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس أي أنه نسي التشهد الأوسط فسبح الناس فتم قيامه فتم على قيامه ثم سجد بنا سجدتين وهو سالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي من صلاته شيئا فليسجد مثل هاتين السجدتين دونك يونس دو رابورتي يقول كل ليت لو غادي ليت بن سعد دو محمد بن عجلان دو محمد بن يوسف لو سيرفيتور دو عثمان دو سون بير يوسف دو معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه كمعاوية يتلغ إمام il s'est levé dans une prière de 4 ou de 3 il s'est levé sans être assis au tashahud du milieu les gens ont dit subhanallah il est resté debout il n'est pas revenu et après à la fin avant de dire salam alaykoum il s'est prosterné de prosternation Et après, quand il a terminé, il s'est installé sur le minbar, il a dit, ainsi j'ai entendu le prophète alayhissalam dire, celui qui a oublié de sa prière quelque chose, qu'il fasse deux prosternations comme celle-ci. Le hadith, Cheikh Nasr, il le fait faible dans Da'if Abi Daoud, mais ici il est cité comme accompagnement parce que la base de cet acte, il est dans des hadiths sahih. Hein? Il est dans des hadiths sahih. أما مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي كثيرة جدا. Ici Cheikh qui a fait ce cours sur Muawiya qui est l'un des élèves de Cheikh l'Albani rahmatullah alayhi qui est Abu Islam. Il a ramené ce hadith comme un compagnon. Il ne s'appuie pas dessus. Parce que ce qu'il y a dans ce hadith, il est déjà légiféré par d'autres hadiths. Mais juste pour nous montrer la position des compagnons du prophète alayhi sallam, comment ils étaient dans l'application de la sunna du prophète alayhi sallam. أما مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي كثيرة جدا. Quant à ses positions dans le fait de blâmer le mal et d'ordonner le bien, ils sont nombreuses. Et après on dit de Oulat ben Umayya, on dit des Umayyades que ne faisaient que le mal. A'oudou billah. Et on dit de Muawiya beaucoup de choses. A'oudou billah. أولا في نهي الناس أن يقوموا له. D'abord, l'une de ses qualités, l'une de ses positions, à ordonner le bien et interdire le mal. Il interdit aux gens de se, quand ils rentrent dans une assemblée, il interdit que les gens se lèvent pour lui. Interdiction que les gens se lèvent pour lui. فماذا يقول من ينعتنا بالديكتاتور؟ ولكن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الأبصار. Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui le traitent de dictateur? Mais qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, ce sont les cœurs qui sont aveuglés. La'adhan billah. حدثنا إسماعيل حدثنا حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز أن معاوية دخل بيتا فيه ابن عامر وابن الزبير رضي الله عنهم فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير رضي الله عنه فقال معاوية رضي الله عنه اجلس اجلس قال لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يمثل له العباد قياما فليتبوأ بيتا في النار مسند الإمام أحمد نهاه عن القيام للقادم وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليهم بل كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم هذا maintenant Ismaïl de dire que Habib ibn Shahid leur a dit, il le rapporte de Abi Majzal, que Muawiya est rentré dans une maison où il y avait ibn Amr ibn Zubair, ridwanullah alayh. Ibn Amr s'est levé, ibn Zubair n'a pas bougé, ridwanullah alayh. Muawiya radiyallahu anhu, il a dit, assieds-toi, il a dit, Amr, assieds-toi, ibn Amr, assieds-toi. Assieds-toi, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, celui qui est content, qui veut que les gens se lèvent pour lui, qu'il s'assure une maison en enfer. Qu'il s'assure une maison en enfer. Et le hadith, il est authentique. Il est dans le musnad de l'imam Ahmed. Il lui a interdit de se lever pour quelqu'un qui y arrive. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans l'assemblée, ils ne se levaient pas pour lui. Alors que c'était la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Il l'aimait plus que eux-mêmes. Il ne se levait pas. Et Muawiya agissait ainsi. Il interdisait aux gens de se lever pour lui. Et après on dit de lui que c'est un dictateur. Taniyan fi inkarihi radiyallahu anhu ala man salla sunnata mubasharatan ba'da al-farida biduni an yafsila baynahuma bi dhikrin aw kalam. Wa hada fi'lu man? Fi'l al-rafida. Wahda min wara wahda. الملاصقين وكذلك صلاة اليهود هذا عمر بن الخطاب نهى عندما قام الرجل صلى الفريضة وقام يصلي النافلة بعد أجلسه قال يجلس هذه صلاة اليهود فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم aussi sa position dans le fait de interdire ce qui est blâmable, ce qui ne doit pas être fait. Et quand quelqu'un se levait après une prière obligatoire, il faisait tout de suite le surrogatoire. Sans séparer les deux avec une parole, ou sans que la personne ne bouge, ou là, avec l'invocation. Et Mouawiyah, il interdisait ça. La même chose qu'a fait Omar ibn Khattab devant le prophète. Un homme s'est levé après une prière surrogatoire, et Omar ibn Khattab l'a rassuré. Assieds-toi, tu ne vas pas faire la prière des juifs. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce qu'a fait Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala. Et Mouawiyah attirait l'attention des gens. C'est ça que il faut pas prier tout de suite après l'obligation, une surrogatoire, sans qu'il y ait une séparation, soit avec le dhikr, soit avec la parole, soit le changement de place. L'un des deux. حدثنا عبد الرزاق بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر أن ابن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت من مقامي فصليت فلما دخل أرسل إليه فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم رواه الإمام مسلم عبد الرزاق بن بكر. Il a dit qu'il aura été annoncé par Ibn Jurayj. Il dit qu'il m'a été annoncé par Omar ibn Atta, ibn Abi al-Khawar, que Nafi' ibn Jubayr l'a envoyé vers Sa'ib ibn Yazid, le fils de la sœur de Namr. Il lui demande quelque chose qu'a vu Mouawiyah. Il lui pose des questions sur des choses que Mouawiyah a vu de cette personne dans la prière. Il a dit, oui, j'ai prié derrière lui le Jumu'ah. Et quand j'ai fait salam alaykoum, je me suis levé et j'ai fait une prière. Il m'a appelé. Quand il est rentré, c'est-à-dire quand Mouawiyah est rentré chez lui, il l'a appelé. Il a envoyé quelqu'un le chercher, lui a dit, viens. Il a dit, ne refais plus ce que tu as fait. Ne refais plus ce que tu as fait. Quand tu pries le Jumu'ah, ne prie pas derrière tout de suite une surrogatoire. Sauf si tu parles ou tu sors, hein? Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ceci. Quand on ne colle pas les prières sans être sorti ou sans avoir parlé. Hein? De là, sans avoir fait dhikr, sans avoir changé de place, etc. ou parler avec quelqu'un. Voici, ainsi étaient les positions d'Yal. Mouawiyah radhiyallahu anhu. Et qui se lève dans le haram pour faire tout de suite après le Jumu'ah une surrogatoire? Qui se lève tout de suite? Rafida derrière toi, quand il te retourne, que Shia Rafida qui le font. Hein? Thalithan, fi inkarihi ala ba'di al-juhal italata sha'ri al-nasiya. Aussi, quand il blâme, certains ignorants sur le fait d'avoir des mèches devant trop longues. الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزعري عن حميد بن عبد الرحمن أنه أي معاوية أنه رأى معاوية يخطب على المنبر وفي يده قصة شعر مش شوفونك مش لدفانا قال فسمعته يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة هذا من جهة معاوية تذكير لهم بما يعلمون لأنهم أعلموا الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الحديث وعلماء السنة كانوا كثيرين في المدينة في ذلك الوقت هذا ليس طعن فيهم أبدا هكذا فسر أهل الحديث هذا الكلام من معاوية رضي الله عنه قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه وقال إنما عذب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم هاد القصة تكون زيادة في الشعر تزيدوها في الشعر العيالات فمن هي عليها تتزاد في القدام بحال شي ماشي وداك شي فكننا فهو رآها في يد أحد فأتي بها فناهم قال أين أنكر هذا العمل فكان من الذين ينكرون المنكر وينكرون المخالفة للسنة عبد الرزاق دو أبوغتي كو معمر لو يدي دو الزهري رحمه الله تعالى عند حميد بن عبد الرحمن qu'il a vu Muawiya sur le منبر donc où à Médine dans la ville du prophète عليه الصلاة والسلام sur le منبر du prophète عليه الصلاة والسلام et dans sa main des mèches de cheveux. Il a dit, j'ai entendu qu'il dit, où sont vos savants? Ici, où sont vos savants? Ou aux gens de Médine? Ce n'est pas un blâme, non. Tout simplement de la part de Muawiya, comme le rapportent les hommes du hadith, que Muawiya le rappelle la science qu'ils ont. Parce qu'à cette époque, les hommes de la ville de Médine étaient, il y a plein d'hommes de science dedans à cette époque. C'est une époque où il y a les meilleures générations, et les hommes de science sont nombreux à Médine. Où sont vos savants? Ou aux gens de Médine? J'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam interdire ce genre de truc. C'est-à-dire ce genre d'utiliser ce genre de mèche et de l'attacher aux cheveux. Car ce qui a fait châtier Banu Israël quand leurs femmes ont pris ce genre de truc, ce genre de mèche, ils se l'ont collé. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et après on dit, Muawiya, il approuve le mal. A'oudou billah, Muawiya blâme le mal. هذا هو معاوية رضي الله عنه ثم تسمع من هؤلاء السفهاء وهؤلاء الجهال يسبونه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وفي رواية لا تسبوا أحدا من أصحابي الرواية عند البخاري وعند مسلم ساسي معاوية سيسي توم كهدو الكريتيك. Cet homme que Hadou, les insensés insultent, ils dénigrent, ils traitent de dictateur, du premier dictateur en islam, alors qu'il fait partie des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons. Hein? Et cette version, il est chez le Bukhari, chez le Muslim. Il y a une version de l'imam Muslim, n'insultez aucun de mes compagnons. Aucun de mes compagnons ne l'insulte pas. Et tu entends Hadou les critiques. Comme il a dit Cheikh Ibn Baz sur ce qu'on lui a lu du livre de Sayyid Qutb. C'est une insulte à Muawiya et Amr ibn al-As. Alors que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam interdit d'insulter un de ses compagnons. Et Muawiya fait partie des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Ainsi que Amr ibn al-As. Ainsi que Soufiane, le père de Muawiya radhiyallahu alayhim jami'an. Wa yuqalu li ha'ula'i as-sufaha أبشروا بلعنة الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أي إذا ذكر ما وقع بين معاوية وعلي فأمسكوا لا تدخلوا أنفسكم فيما لا يهمكم وهؤلاء الجهال يطلقون ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. Donc ces insensés, ces ignorants, il faut qu'ils s'attendent de la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Quand ils insultent, ils traitent Muawiya et n'importe quel compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui insulte mes compagnons, il a la malédiction d'Allah, des anges et des gens, tous ensemble. Allah, les anges et les gens, tous ensemble. Et il a dit, quand on évoque mes compagnons, ne dites rien, retenez vos langues. C'est-à-dire, quand on évoque ce qui est arrivé entre Ali et Muawiya, ne vous immiscez pas là-dedans. Et ces insensés, tu le vois, à lâcher leur langue. Et à dire n'importe quoi, et des analyses qui n'en finissent pas, et des déductions qui n'en sont pas, hein, sur Ali, sur Muawiya, sur Amr ibn al-As, sur Abi Sufyan, et les autres. Ridwanullah alayhim. Amma alladhi yajibu an nakuna alayhi, wa an takuna alayhi aqidatuna, wa huwa ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma, fi ma waqa bayna as-sahabati ridwanullah alayhim. فكل ما جاء من الأخبار فيما وقع بين معاوية وعلي معظمها كذب أصلا وافتراء اختلقه المنافقون والضلال وما صح فيما وقع بين الصحابة من الأخبار فهم فيه متأولون مجتهدون مغفور لهم رضي الله عنهم جميعا. وكما أننا نقول رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر ورضي الله عن عثمان ورضي الله عن علي، كذلك نقول رضي الله عن معاوية وعن عمرو بن العاص وعن أبي معاوية أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، لأن حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والله أخبرنا عنهم في كتابه في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، شهادة من الله عز وجل بأنهم هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الأنصار في المدينة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. العقيدة sur laquelle nous devons être, la aqida des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, toute situation, tout ce qui est arrivé entre les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, nous devons d'abord retenir nos langues et ne pas dire n'importe quoi. Et tout ce qui nous a été apporté, entre ce qu'il y a eu entre Muawiya et Ali, la majorité des versions sont mensongères et inventées par les hypocrites et les égarés. Et ce qui est authentique, qui est arrivé entre ces nobles hommes, qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, ils sont mujtahidoun dedans. Chacun a fait son effort d'interprétation. Il y a ceux qui ont touché vrai et ceux qui ont eu faux. Mais tous les deux, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné. Parce qu'ils ont les outils pour faire ce genre d'effort. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et comme on dit, radiallahu anhu Abu Bakr, et on le dit aussi pour Omar radiallahu anhu, on le dit pour Uthman, on le dit pour Ali, on le dit pour Muawiyah aussi. Et on le dit pour Abba Huraira, on le dit pour Amr ibn al-As, on le dit pour Abba Sufyan, on le dit pour Hind. Pour tous on le dit, radiallahu anhu. Car le fait de les aimer fait partie de notre religion. Il fait partie de la foi, il fait partie de l'ihsan, hubbuhum, leur amour, c'est la religion. Fait partie de notre religion, fait partie de la foi, fait partie de l'ihsan, de la perfection. Et le fait de les détester, ça fait partie de la mécréance et de l'hypocrisie et du fait de dépasser ses limites. Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait que des éloges de ces nobles hommes dans le Coran. Prenez par exemple dans Surat al-Hajj, vous avez deux versets. Il appartient aux pauvres immigrés, muhajirun. Attention, nous, on n'est pas des immigrés, Andak. Hna, Adoke, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala, on les a sortis de chez eux. On a pris leur argent et tout. Et ils sont sortis, ils ont accepté la situation, ils sont sortis pour sauver leur religion et pour avoir l'agrément de Allah et pour faire triompher Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit deux dans le verset, ceux-là, ce sont les véridiques. Nous, نحن مستغربون ومغربون ها هما s'ils sont sortis ils avaient une plaque une pierre à gauche une pierre à droite avec une ceinture pour serrer et nous on est là on est sortis pour se goinfrer on a plutôt un poulet rôti à droite et un durum à gauche une pizza en haut et vanta tu n'en finis plus. Grande différence. Certains disent, ah, on est le muhajiroun. Hachim. Et on, c'est ce que tu dis. Hein? Subhanallah. Donc, ceux-là, ce sont les véridiques. Ils sont sortis, on les a sortis de chez eux. Ils sont sortis quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'Hijra, ils sont sortis pour sauver leur religion. Alors qu'ils ont délaissé tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme quoi étant les véridiques. Et ceux qui les ont accueillis à Midi l'Ansar, hein, et qui aiment ceux qui ont immigré vers eux, ils trouvent rien dans leur poitrine. Ils ont partagé avec eux tout. Ils ont même devancé le besoin d'Yel Mouhajirin sur leurs besoins à eux. Hein? L'Ithar, là. Même si eux, ils étaient dans le besoin. Ceux-là, ce sont les gagnants, comme les a décrit Allah Azza wa Jal dans ce verset. Et ceux qui sont arrivés après eux, voici la position dans laquelle nous devons être. Et tous ceux qui sont doués de raison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala orienté vers la voie de ce puzzle, doit être dans cette position. Ceux qui sont arrivés après eux, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Rabbana ighfir lana, Seigneur, pardonne-nous. Ainsi à nos frères qui nous ont devancés dans l'Iman. Et qui nous a devancés dans l'Iman? Il nous a demandé quoi là? Faire dua pour les compagnons du prophète alayhi salam, parce que c'est le premier. Et ceux qui les suivent, et ainsi de suite. Et ne fait en sorte qu'il n'y ait aucune haine et rien du tout dans nos cœurs pour ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru, en priorité, qui rentrent dedans. Les compagnons du prophète alayhi salam. C'est partant de là que Tahawi dans l'Aqidah et d'autres imams disent que le fait de les aimer fait partie de la religion. Le fait de les aimer fait partie de la foi. Le fait de les aimer fait partie de la perfection. Et c'est pour ça qu'il a fait dire à certains, quand ils ont énuméré les points qui peuvent augmenter ta foi, ils ont cité en cinquième point le fait de lire la biographie des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Fansallah subhanahu wa ta'ala ja'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا